soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, le tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur 895 de Duo si vous nous rejoignez en ce jeudi 9 janvier 2025. Démo des sons sensibles, dernier rendez-vous direct de cette semaine. En direct de 12 à 13 heures, rediffusion 19 heures et le lendemain en matinale dès 8 heures, vous le savez. Et bien une semaine qui se boucle avec ce programme d'infos actu local en forme d'agenda. Sorte d'agenda en effet sélectif et absolument non exhaustif. Et parmi cet agenda et rendez-vous à venir, eh bien, l'un d'entre eux fera l'objet du sujet du jour sur tous les fronts, grand week-end antifasciste. Deux jours après le décès appris mardi de Jean-Marie Le Pen et deux jours avant ce grand week-end antifasciste, l'occasion de retrouver le comité Antifa de Saint-Etienne pour ce week-end. Deux jours de table ronde, rencontre, débat. Pour comprendre et agir face à la montée du fascisme. Vaste programme, ça se passera ce samedi 11 et dimanche 12 janvier à Saint-Etienne, entre à la fois l'Amicale Laïque du Crédroc et le Méliès Saint-François. On retrouvera le comité Antifa, non pas en studio, mais via téléphone pour une petite interview et nous présenter ce vaste programme. Des mots des sons sensibles en actualité musicale également, et ce sera le cas d'emblée pour ouvrir ce programme avec nos partenariats découvertes Ferrarock cette semaine. Il y a d'une part l'album Incoming Blaze des Rennais de Clavicule, sorti chez Vlad Productions, et d'autre part l'album, premier album de Thiago Caetano, l'album Echo de Bahia, qui est sorti via Yotanka Records le 15 novembre dernier. Un artiste qui nous fait absolument voyager au Brésil, alors que lui-même est originaire et est né à Rennes, mais il porte en lui par sa mère le Brésil, le Portugal par son père. Bref, Rennes c'est sa vie. Le Brésil, c'est le sang. Thiago Caetano qui, au travers de son album, nous propose pas mal d'ambiance plage, sans jeu de mots, instrumentale et ambiance, on va dire, rando, carnaval, ambiance sonore. Bienvenue pour respirer au sein de cet album qui se veut absolument très doux. C'est ce qu'il décrit. Il a voulu cet album comme un pied de nez à la cruauté et la violence du monde. Et ça fait plutôt du bien. Alors je vous ai fait découvrir un titre plutôt en rythmique classique, Samba, Soquero Viver, en début de semaine. Je vous propose une nouvelle découverte et nouveau titre de cet album pour justement un petit voyage. On s'envole. On part sur une île. Et oui, ça fait envie. Qui sait, peut-être qu'un jour nous allons vivre sur cette île, s'interroge-t-il dans Salvo. C'est ce titre-là, à l'esthétique, nous dit-il, très 70s, arrangement de cordes, une référence directe à l'île menacée de Poipeba qu'il a tant contemplé. Je vous propose de découvrir ce titre-là. Donc, Salvo de Thiago Caetano, issu de cet album Echo da Bahia. C'est la découverte, le partenariat Ferrarock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Mmh. Salvo, issu de l'album Echo da Bahia de Thiago Caetano. C'est son premier album et c'est la découverte, le partenariat Ferrarock. Cette semaine, l'artiste a sorti son premier album il y a déjà quelques temps. C'était le 15 novembre dernier chez Yotanka Records. Et autant vous dire que pour débuter cette année 2025, puisque la Ferrarock reprend du service, eh bien, coup d'oreille dans le rétro, puisque ces deux albums partenaires cette semaine sont sortis en effet en novembre dernier. C'est le cas également pour l'autre proposition, Clavicule, qui est sorti le 22 novembre chez Vlad Productions, l'album Incoming Blaze. Alors ce sont des partenariats très bretons pour cette rentrée Ferra janvier 2025, puisque les deux projets sont originaires de Rennes, la ville bretonne, et vous en saurez davantage bien sûr en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant le programme Dig Dig Diggers, premier de cette année 2025, autour de ces projets rennais, avec interview des groupes, interview de Clavicule par Canal B, interview de Thiago Caetano par Radio Active, donc deux radios bretonnes à Saint-Brieuc et Rennes, et puis on voyage un peu en Méditerranée avec un autre module et carte blanche interview réalisé par RCV auprès de l'artiste sicilienne Gerard Bertolone. Dig Diggers, ce sera ce vendredi 12h-19h et en rediffusion lundi en matinale dès 8h. Ces partenariats consistent, on vous le rappelle, en présentation, diffusion et en jeu concours, donc album notamment pour Thiago Caetano à gagner ici au bout du clic. Notamment, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à redac@radiodio.org. On commence ce programme démo des sons sensibles avec quelques infos actu et notamment une mobilisation qui eh bien, se tient aujourd'hui même. Nous avons reçu ce message de la CGT Éducation, qui défend tous les personnels de l'éducation nationale, suite à la décision du recteur de l'Académie de Lyon. Alors c'est une situation qu'on a déjà rappelée à de multiples reprises parce qu'il y a eu de multiples mobilisations. Ce fut le cas en octobre dernier à Saint-Étienne. Ce fut le cas également en fin d'année dernière du côté de l'Académie de Lyon. Et voilà une nouvelle mobilisation aujourd'hui même, ce jeudi 9 janvier. Décision, je le disais, du recteur de l'Académie de Lyon à l'encontre de Patrice Chapa. Décision qui est tombée juste avant les congés de fin d'année dernière, pour avoir, je cite, « outrepassé son rôle de représentant du personnel et avoir manqué à son devoir d'exemplarité ». Et alors que rien ne lui est, de ce qui lui est reproché en tout cas, ne concerne ses activités pédagogiques ou ses relations avec les élèves et les parents. Et donc, eh bien, voilà que Patrice Chapa se voit déplacé de son établissement, c'est-à-dire le lycée Étienne Mimard, dans lequel il exerce depuis plus de 20 ans, et devient remplaçant sur la zone Loire-Sud. Alors une sanction prononcée lourde, disproportionnée, injuste et soudaine, selon la CGT Éducation. Effectivement, Patrice Chapa n'a jamais auparavant eu le moindre avertissement pour un comportement que l'institution aurait jugé inapproprié dans ses mandats syndicaux. Samedi 21 décembre dernier, Sylvain Terra, représentant syndical et élu dans différentes instances, lui aussi inquiété dans une procédure disciplinaire, a reçu sa sanction. Il s'agit d'un blâme, même si celle-ci peut paraître moins lourde, elle n'en reste pas moins inacceptable. Sylvain comme Patrice ont une posture professionnelle irréprochable selon la CGT Éducation au service des élèves et de l'institution. Il s'agit encore une fois d'une sanction fortement injuste qui ressemble plus à une procédure d'intimidation. Alors l'intersyndicale éducation de la Loire, il y a la CGT certes, mais également la SNES-FSU, Sud Éducation Loire, la FNEX, CGEN, l'UNSA, la FCPE Loire, les parents d'élèves également, qui appellent l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à se mettre en grève donc aujourd'hui. Ce jeudi 9 janvier pour le retrait des sanctions prononcées contre Patrice Chapa et Sylvain Terra et pour le rétablissement de Patrice Chapa dans son poste au sein du lycée Étienne Mimard. Lycée d'ailleurs devant lequel il y aura un rassemblement et c'est le cas depuis cette fin de matinée 11h-11h30 avec une manifestation qui doit se dérouler actuellement, si vous suivez le direct, attention au rediff, durant cette tranche méridienne, manifestation en direction de la préfecture où il y aura une prise de parole également, que ce soit à la fois devant le lycée Étienne Mimard ce matin et puis à l'arrivée devant la préfecture et place Jean Jaurès avec les différentes organisations syndicales et autres interventions des parents d'ailleurs. Et à noter que, eh bien, exclu finalement de son poste, il n'a même pas pu, puisque cela lui a été interdit, dire au revoir à ses élèves et collègues. Donc voilà pour cette situation qui dure déjà depuis quelques mois et cette nouvelle action, donc aujourd'hui 9 janvier 2025. Un autre rendez-vous aujourd'hui, lanceur d'alerte. Soirée lanceur d'alerte, ou presque. Ce 9 janvier pour une soirée ciné-projection débat avec à l'origine Mediapart. Mediapart qui est à l'origine précisément des révélations sur le financement libyen de la campagne qui a amené à la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors c'est un documentaire qui lui est consacré, titré « Personne n'y comprend rien », sorti en salle hier, ce 8 janvier, et qui fait donc l'objet d'une soirée projection rencontre ce soir, ce 9 janvier, en présence d'Edoui Plenel, journaliste et cofondateur de Mediapart. Voilà une enquête qui résulte précisément d'un long travail d'investigation, long travail d'enquête, puisque les premiers articles portant sur cette affaire datent d'il y a 14 ans, un scandale financier complexe. Et la piste d'ailleurs mène à de multiples à la fois protagonistes et différents pays, 17 pays visés au sein de cette enquête-là, un combat et une bataille judiciaire contre les journalistes à l'origine de révélation de cette affaire d'une part, avec tout cela consiste, tout ce que cela implique, des pressions, des tentatives de discrédit et autres, mais qui ont toujours gagné. Et puis, bataille judiciaire contre le principal intéressé, Nicolas Sarkozy lui-même, mais également d'autres personnes, hein, puisque ce sont 12 autres personnes, dont des anciens ministres et personnalités politiques, qui seront aussi sur le banc des prévenus, avec ce procès qui s'est ouvert ce lundi et qui va se poursuivre jusqu'au 10 avril prochain. Alors, ce film documentaire, il est à l'affiche. C'est un film de Yannick Kergoat, qui est réalisateur, scénariste. Je vous recommande chaudement ses autres documentaires, donc celui qu'il a co-réalisé avec Gilles Balbastre, Les Nouveaux Chiens de Garde, par exemple, ou encore son très bon documentaire qui est sorti il y a 2 ans, La Très Grande Évasion. On rappelle qu'il est aussi membre fondateur d'Acrimed, Action Critique Média. Et bien voilà ce dernier film qu'il a réalisé avec le travail des journalistes de Mediapart, donc ce film qui est à l'affiche depuis hier, personne n'y comprend rien, qui fait l'objet de cette soirée projection débat ce soir, mais je voulais vous l'annoncer, c'est qu'il n'y a plus de place pour cette soirée débat, puisque cette séance est d'ores et déjà complète, mais le film reste à l'affiche, donc il est toujours possible de le visionner dans les salles ARS de la ville et le cinéma Le Méliès en l'occurrence. Voilà pour ce travail d'enquête, on peut aussi vous renvoyer sur cette affaire-là à l'ouvrage qu'ont co-écrit les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasque, Sarkozy, Kadhafi, l'histoire secrète qui est parue en 2017 chez Fayard. Et l'occasion d'en savoir un peu plus. Voilà, et d'affaire en affaire, alors toujours avec les mêmes mécanismes, les mêmes rouages, les mêmes méthodes, les mêmes situations, les mises en cause sont toujours les persécutés, les victimes. Puisqu'on est dans Mediapart, on voit bien là le schéma dans cette affaire-là, qui nous renvoie aussi à notre affaire locale finalement, puisque Mediapart et Edoui Plenel étaient aussi venus il y a 2 ans de cela pour parler de démocratie locale avec l'affaire Perdriau, qui suit son cours. Et puis, autre affaire, pourquoi pas, c'est celle concernant le Front National, ou le Rassemblement National plutôt, excusez du peu, avec bien sûr la situation financière, alors déjà époque FN, hein, justement, avec sa figure Jean-Marie Le Pen décédé il y a 2 jours de cela, qui lui aussi semblait avoir trouvé toute méthode pour des sources d'argent partout où il pouvait le trouver, y compris pour son parti. Et puis jusqu'encore l'automne dernier, puisque le tribunal correctionnel de Paris se penchait sur des soupçons de détournement d'argent public à travers l'embauche d'assistants parlementaires européens, travaillant au seul profit du Front National. L'un d'eux était d'ailleurs son propre garde du corps. Bref, un véritable système mis en place et qu'il aurait légué, et qu'il a légué à sa fille Marine Le Pen, véritable machine de guerre financière. Et c'est le Progrès, presse locale, qui le rappelle encore dans un article récent. Marine Le Pen qui conteste toutes ces accusations, mais qui connaîtra le jugement de cette affaire le 31 mars prochain. Et oui, son père devait comparaître à ses côtés, mais dans le cas de raison de santé, l'a empêché d'être jugé pour ces faits. Bref, et ce n'est pas une première, hein, pour le Front National et le Rassemblement National, et c'est précisément de par des sources de Mediapart, du Monde et bien d'autres, qu'une carte, une sorte de nébuleuse de l'extrême droite française était sortie il y a quelque temps, rassemblement népotiste plongé dans le passé du RN, où l'on pouvait apprécier au sein de cette carte toutes les affaires en cours, ou toutes les condamnations également, que ce soit condamnation à mort, c'était le cas pour Léon Degrelle, nazi, Waffen-SS, condamné à mort par contumace, qui a fui pour éviter la mort et proche du FN et de Jean-Marie Le Pen. Des condamnations, prison avec sursis, condamnation provocation haine raciale, condamnation pour antisémitisme, condamnation pour diffamation, condamnation pour détournement de fonds publics, par exemple. Et Jean-Marie Le Pen, premier président du FN, bien sûr président d'honneur du FN en 2011, exclu en 2015 par sa fille, qui quand même a torturé pendant la guerre d'Algérie, de nombreux liens avec l'OAS, qui a agressé une candidate socialiste lors d'une campagne électorale, qui plusieurs peines d'inéligibilité, négationniste, On rappelle les chambres à gaz qui auraient été un détail de l'histoire, condamné pour provocation à la haine raciale, condamné pour antisémitisme et diffamation, qui a comparé les séropositifs à des lépreux, et puis d'autres condamnations. C'est le cas pour sa fille même, à la tête du parti aujourd'hui, Rassemblement National, qui a été condamnée en 2012 pour de faux tracts diffamatoires contre le Front de Gauche, qui, bien elle, selon elle, en tout cas, la France n'aurait pas été responsable de la rafle du Veldiv, qui a été condamnée personnellement à rembourser 300 000 euros pour emploi fictif de cadre du RN pour le Parlement européen, et donc qui est en procès actuellement pour les emplois fictifs, toujours en cours, et je le disais, jusqu'au 31 mars prochain. Bien justement, de l'extrême droite, nous allons parler et nous allons nous en intéresser d'ici un instant à l'occasion de ce grand week-end antifasciste prévu ce week-end. C'est samedi 11 et dimanche 12 janvier entre Méliès-Saint-François et Amicale Crédroc. On va retrouver le comité Antifa d'ici un instant via téléphone sur le 895 de Duo. Auparavant, une petite respiration et pause musicale tout à fait de circonstance avec ce titre-là que que j'apprécie particulièrement. Une chanson antifasciste assez réputée. C'est les deux formations, le groupe à la fois anglais anarcho-punk Chumbawamba et Credit to the Nation, le groupe hip-hop anglais, qui avait sorti ce titre-là il y a maintenant quelques années, début des années 90, Enough is Enough, et que je vous propose de retrouver sur 895 Audio dans ses mots et sons sensibles. I want wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Ouvrir les yeux et il est temps de se réveiller. Assez, c'est assez et c'est encore d'actualité. Bon nombre d'années après, titre de 93, Enough is Enough, Chumbawamba et Credit to the Nation sur le 8952 dans ses mots et son sensible. Pour parler eh bien de ce grand week-end qui s'annonce, c'est samedi 11 et dimanche 12 janvier, Méliès Saint-François, Michael Lake du Cred Rock, grand week-end antifasciste, justement, tenter de s'organiser, de comprendre, d'agir face à la montée du fascisme. Et on retrouve Eddy au bout du fil, qui est avec nous pour le comité antifa stéphanois. Eddy, bonjour. Salut. J'espère que la ligne est bonne, que tu m'entends plutôt bien. Est-ce que ça va? Ça a l'air correct? Ça va, bon. J'arrive à te déchiffrer. Bon, merci en tout cas à toi d'avoir au moins répondu présent là, et de disponibilité un peu en dernière minute. On aurait pu se retrouver de façon plus confortable en studio, mais c'est déjà bien de se retrouver ici en ligne. Juste dans un premier temps, voilà, c'était un petit peu difficile de ne pas assurer ce programme et d'évoquer ce sujet deux jours après ce 7 janvier et deux jours avant ces 11 et 12 janvier. J'évoque bien entendu le décès de Le Pen ce mardi. Et justement, c'est précisément que d'actualité que d'organiser ce grand week-end antifasciste. Je voulais avoir ta, déjà peut-être réaction. Écoute, on avait prévu depuis le début le décès de Le Pen en ce début de semaine, ce qui permettait de bien assurer le week-end après. C'est une bonne nouvelle. Hein. On va pas se le cacher. Et puis justement, ça permet en plus de redonner encore plus de sens à ce week-end-là parce que du coup, de fait, là, alors l'extrême droite est encore plus sur le devant de la scène avec son décès récent. Donc, ça sera l'occasion aussi un peu de l'évoquer et d'en discuter et de boire un coup autour de ça, quoi. Boire un coup. Et puis alors, je pensais justement à ce qui s'est passé et là qui fait couler beaucoup d'encre depuis mardi, c'est justement ces réactions et notamment manifestations, hein, on peut le dire ainsi aussi, qui ont eu lieu mardi soir en apprenant le décès de Le Pen ces rendez-vous plutôt festifs qui ont eu lieu dans l'espace public, des appels à rassemblements qui ont eu lieu dans différentes villes de France. Savoir si d'une part vous en étiez et comment tu perçois ces retours et appréciations diverses et variées sur la chose. Après, je pense que, alors du coup, c'était la manifestation, elle était à l'initiative de la JC, hein, de la Loire. Individuellement, il y avait des camarades du comité qui étaient présents, nous on a relayé cet appel-là. Mais c'est pas nous qui sommes à l'initiative de l'appel. Je pense que c'est intéressant de moi ce que j'en ai lu et de au niveau de l'appel de la JC et de ce que moi je partage entre guillemets sur l'idée d'arriver à créer un moment pour reposer le fait que l'extrême droite c'est pas normal en fait et que du coup c'est pas un élément politique avec lequel il faut interagir normalement comme si c'était le décès d'un mec du PS entre guillemets et tout ça. Et je pense que le but de ces rassemblements là c'était aussi de signifier quand même que malgré tout, alors à contrario de ce qu'on entend un peu dans les médias et dans le discours des politiques, globalement les gens ils sont quand même plutôt sur des modalités antifascistes, antiracistes. J'en vois d'ailleurs un bouquin de Vincent Tibéri sur la droitisation de la société et sur le fait que, au contraire même, les gens ont quand même plutôt tendance à partir de l'autre côté que ce que la pensée dominante présuppose à travers son discours. Donc je pense que c'était un peu intéressant, c'est un marqueur un peu fort et au vu des différentes manifestations, mobilisations, etc. Je pense qu'il y a une symbolique qui s'est posée, qui était importante. Et puis, mais par contre, nous, c'est un peu ce qu'on veut reformuler. Et puis, c'est ce qu'on reformule, c'est l'homme est mort, mais pas ses idées, quoi. Donc, je pense que il y a encore plus de nécessité à renforcer la lutte antifasciste. Autant profiter de cet événement-là, justement, comme étant un tremplin pour pouvoir discuter de ça. Ouais, justement. Alors, on va évoquer cette façon possible de s'organiser et de lutter contre l'extrême droite. On va tenter de l'évoquer juste dans un premier temps. J'aimerais que tu reviennes sur le comité antifasciste dénommé comme tel et refaire un historique du comité antifa à la fois de Saint-Étienne et peut-être au-delà. Nous, le comité antifa, en fait, il est né, on va dire, c'est assez marrant parce que du coup, ça fait un peu le pont. La première initiative publique du comité antifa, c'est en 2013, justement, c'était par rapport à l'avenue de Jean-Marie Le Pen dans la Loire. Le comité existait un peu en amont, mais en tout cas, c'est sa première sortie publique, c'est la première fois qu'il apparaît en tant que tel, qu'il se crée et qu'il est reconnu après comme ça. Le comité, en fait, déjà, il s'appelle comité antifa de Saint-Etienne parce que c'est un regroupement de réseaux. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient issus de pas mal de mouvances politiques alternatives sur Saint-Étienne. Donc il y avait des gens qui se revendiquaient du communisme, certains anarchismes, certains de ni l'un ni l'autre, des gens qui gravitaient aussi autour du stade. L'idée, c'était vraiment d'être un regroupement de réseaux et pas d'être une organisation politique à part entière, comme ce qui peut être le modèle, on va dire, de l'action antifasciste un peu plus traditionnelle ou de la jeune garde même aujourd'hui. Et puis en fait, du coup, c'est ce qui a fait justement sa force, parce que du coup, aussi bien du point de vue de la manière dont il traitait l'information, dont les choses étaient faites, et puis la manière dont il arrivait à réussir à amasser le réseau, puisqu'en fait, de fait, dans ce comité-là, il y avait entre guillemets des représentants un peu de chaque orga, de chaque courant politique un peu stéphanois. Donc du coup, ça a toujours fait. Je pense que le comité a toujours fait sens un peu pour pas mal de gens et il a permis de continuer comme ça. Et pour venir un peu sur ces évolutions, là aujourd'hui, c'est un groupe, je pense, qui est quand même plutôt pas mal reconnu sur Saint-Étienne. Nous, on a quand même la chance à Saint-Étienne d'être moins exposé à l'extrême droite, on va dire, à la présence de rue fasciste. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle est beaucoup moins importante qu'à Lyon ou autre. Et du coup, l'un des principaux axes, et du coup ça fait un peu le pont avec ce week-end-là, qui est développé au niveau du comité, c'est d'arriver à faire de l'information. Et en gros, pour nous, la vigilance et le fait de partager les connaissances, les analyses qu'on fait de l'extrême droite et permettre au plus grand nombre d'avoir ces outils-là, pour nous, c'est quelque chose d'ultra important. Et c'est un peu un focus du comité Antifa, je pense, quasi depuis sa création, quoi. Ouais. Alors avant de rentrer dans l'organisation et la programmation de ce week-end, parce que ça va permettre aussi d'alimenter finalement aussi le contenu, la discussion et le propos, simplement aussi questionner que serait le fascisme aujourd'hui et votre façon de vous nommer comité Antifa interroge aussi peut-être aujourd'hui en 2025 de ce qu'est l'extrême droite et l'extrême droite française en l'occurrence, parce qu'on l'a vu avec Le Pen certes qui pouvait porter ses valeurs véritablement antisémites, racistes, voire fascistes effectivement, mais dans sa réorganisation, le rassemblement d'aujourd'hui, son exclusion du FN en 2011, avec des idées d'extrême droite qui sont beaucoup plus diffuses, je le dirais. On l'a encore vu avec les dernières échéances électorales, celle de juillet, où on a assisté à la fois à une banalisation encore exacerbée, mais aussi avec une flambée, finalement, je dirais, du Rassemblement national dans des actes violents, racistes, qui se sont multipliés, qui se sont même déchaînés. Mais voilà, comment aborder aujourd'hui ces idées droite extrême qui sont beaucoup plus diffuses, je dirais, dans la politique aujourd'hui, et on le voit à tout niveau, hein, et notamment dans même le gouvernement en place aujourd'hui. Je pense que justement, c'est un peu l'axe, c'est un peu le constat amer qu'on fait pour le moment, c'est que, en vrai, sincèrement, aujourd'hui, le Rassemblement National, il est sur une voie de victoire. Pas de victoire électorale, enfin, quoi que si, déjà, mais surtout en termes hégémoniques, c'est-à-dire que la lutte antifasciste qui est menée, la lutte traditionnelle, entre guillemets, qui a été faite par les groupes, etc., elle est insuffisante. Et on se rend bien compte que on aura beau faire de la vigilance de rue, etc., le Rassemblement National percera. Et puis qu'en fait, les profils même aujourd'hui qui composent le Rassemblement National sont plus les profils des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, leur discours, il arrive à traverser un peu pas mal de catégories, même des personnes qui n'ont pas du tout intérêt au discours du RN. Je pense que pour nous, l'un des enjeux importants, c'est déjà d'arriver à déconstruire ce discours-là du Rassemblement National. d'arriver à remontrer que c'est un discours raciste, de fait, et que, et d'ailleurs, c'est la thèse que je caricature, mais la thèse de Félix, enfin, que je caricature, que je vulgarise là assez vite, mais c'est la thèse de Félicien Faury, hein. C'est que les gens sont mobilisés par, les gens se mobilisent par rapport, sur le Rassemblement National, par peur du déclassement, mais, concrètement, à la fin, ce qui en ressort, c'est que ça reste un vote raciste. Donc ça, pour nous, c'est ultra important d'arriver à, d'une, expliquer le fait que bah, l'extrême droite n'est pas l'allié du peuple, ça c'est une réalité, que c'est plutôt l'allié de la bourgeoisie. De deux, que c'est un discours raciste, c'est un parti fascisant, en tout cas, parce que du coup, je pense qu'il n'y a pas à soucier là-dessus. Et pour nous, en fait, je pense que là, l'enjeu du comité antifasciste aujourd'hui, c'est de dire qu'on n'en a pas le monopole de l'antifascisme. C'est de montrer en fait que ce combat-là, nous on a choisi un outil pour pouvoir lutter contre le Rassemblement National, contre les idées d'extrême droite, contre l'extrême droite en général. Mais en fait, ça c'est l'outil qu'on nous on a sélectionné, qu'on a choisi. Et en fait, pour nous, c'est une question qui est transversale et qui devrait être et qui devrait s'imposer à tout le monde. Et c'est pour ça que on met à disposition, on va dire, les connaissances qu'on a pu amasser ces dernières années pour faire en sorte que tout le monde soit au même niveau d'information et puisse justement se mobiliser à sa manière et à son échelle, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question concrètement. Si, bien sûr. Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, la question que ça me posait, c'était effectivement de cette présence du Rassemblement National aux portes du pouvoir aujourd'hui. Effectivement, et ce, on le voit depuis bah, Le Pen perd 2002, ce qui a énormément marqué les esprits et les générations au deuxième tour des élections présidentielles, et avec des positions et des postures parfois radicales. Et je pense même ici à ce média-là, Radio Dio, qui a toujours évité, écarté tout propos haineux, raciste et autres sur antenne en ne donnant pas la parole aux idées extrêmes qui aujourd'hui s'interrogent de par cette omniprésence ou présence renforcée en tout cas de ces idées extrêmes aujourd'hui dans la politique française, et de voir combien aujourd'hui le Rassemblement National est présent dans les esprits et qui interroge sur la façon aussi précisément de résister et de lutter. Et ben justement, en plus par rapport à ça, c'est marrant que tu évoques ça. C'est un peu ce qui va être évoqué, je pense, dans la, parce que du coup sur ce week-end-là, il va y avoir trois volets différents. Donc la question de l'éducation, la question des résistances locales et la question médiatique. Et on voit bien que, et justement au niveau de la question médiatique, on voit bien que par exemple en Belgique francophone, qui ne laisse pas, qui a créé une sorte de cordon sanitaire au niveau de l'extrême droite dans les espaces médiatiques. Et bon, on voit que les résultats de l'extrême droite, ils sont très faibles. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de montrer en fait les articulations qu'il peut y avoir et comment en fait, à partir du moment où on laisse prédominer un discours, bah évidemment qui s'y mixe de partout et qu'en fait à la fin il fait mouche. Et je pense que c'est justement là-dessus sur lequel le combat est le plus difficile. C'est que l'appareil qui est en face de nous, on peut penser à Bolloré, mais il n'y a pas que Bolloré, hein. Il y en a plein d'autres. Je pense que la tâche, la tâche qui est devant nous est énorme. Mais l'idée justement, c'est aussi l'idée de ce week-end-là, c'est de montrer en fait qu'il faut résister partout et qu'il faut créer aussi des contre-pouvoirs. Alors, je pense notamment aussi à un autre invité qui est l'offensive, qui eux réfléchissent à une réflexion municipaliste, etc. Autour de Lille. Vraiment, sincèrement, je pense que des lueurs d'espoir, il y en a beaucoup et il y en a encore partout et voilà. Ouais. Oui, vaste chantier, vaste combat. Si on peut rentrer un peu dans le détail de la programmation, Eddie, si tu le veux bien, on va peut-être commencer, bah justement, puisque tu évoques cette question aussi médiatique et de cette bataille aussi médiatique. Vous l'avez intitulé comme tel, l'extrême droite et média, la bataille n'est pas perdue, qui va faire l'objet de cette rencontre, de cette deuxième journée. Ce sera dimanche, entre 16 et 19 heures, au cinéma Méliès Saint-François. Revenir et présenter précisément aussi les intervenants, intervenantes que vous y avez invité, et peut-être justement en expliquer les raisons. En gros, nous là sur cette thématique là sur ces deux jours, on a décidé un peu de changer la manière de fonctionner. Habituellement, on avait tendance à inviter des conférenciers ou des conférencières, mais qu'il y ait du coup vraiment un truc, une distribution de contenu, etc. Et les gens prennent pas. Là, on s'était dit qu'on avait envie un peu de changer les choses justement et de partir sur des thématiques dont on a tendance aussi à un peu moins parler. En tout cas, que nous on n'avait jamais abordé. Du coup, on a décidé de mêler un peu des chercheurs, des chercheuses, des militants, des militantes de terrain, et puis aussi, en fait, des gens, entre guillemets, de la vie de tous les jours, à savoir des professionnels par exemple de l'éducation, que ce soit des éducateurs, éducatrices, etc. Du coup, on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir un regard croisé à travers une table ronde et qui est plus un profil, et qui est plus une sorte d'échange qui s'installe par rapport à ça. Et puis réellement, en fait, ok, comment on lutte contre l'extrême droite, très bien, dans la rue, de partout, etc. Mais en fait, comment on lutte aussi au boulot, en fait, et tous les jours, comment on lutte contre ces discours-là. Du coup, on s'est dit que c'était important d'arriver à mettre ça en place. Et du coup, on a essayé de faire un peu un joli casting, parce que je pense qu'en vrai, on a réussi quand même à mettre des gens super intéressants. Et du coup, c'est ça qui est cool. Du coup, il y aura 3 tables. Donc, il y aura d'abord une introduction, parce que l'idée, c'est de se dire aussi, pour qu'on parle de l'extrême droite et du fascisme, il faut quand même qu'on soit aussi au même niveau d'information. Du coup, il y a Hugo Paletta qui viendra et qui tentera de donner en tout cas une définition du fascisme, vaste travail, et une définition de ce que peut être l'extrême droite, en tout cas qu'on parte un peu au clair sur de quoi on va parler un peu sur ce week-end-là. Après, il y aura une table sur la question de l'éducation, donc où, autour de la table, il y aura donc Mounir Amoun, qui est très, très investie sur la question de BDS, mais qui, du coup, là, interviendra par rapport à la question du racisme, et puis elle, en tant qu'enseignante. Il y aura un éducateur spécialisé, 2 militants de l'éducation populaire, et puis une structure qui s'appelle Terrain d'entente, qui fait de la pédagogie sociale à Tarentaise, donc un des quartiers de Saint-Étienne. Il y aura une deuxième table qui, elle, sera sur résister à l'échelle locale. Il y aura Félicien Faury, qui est du coup un sociologue, qui a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Un électorat ordinaire, justement sur ce que j'expliquais un peu en début, là, tout à l'heure, qui explique à quel point le Rassemblement national, enfin, en fait, que le vote Rassemblement national, alors, il peut être à la fois contestataire, mais il est aussi raciste, et qu'en fait, les deux sont pas à diviser et à opposer, au contraire même, l'un crée une conséquence. Il y aura à ce table-là, donc, du coup, l'Offensive, qui est une organisation militante du côté de Lille, qui essaie de créer un engouement, qui impulse une logique municipaliste, et puis avec pour ambition de faire qu'on résiste en fait à l'échelle des villes et qu'en fait que toutes les villes soient un peu reprises. Donc il viendra expliquer un peu aussi son projet. La Horde aussi, si tu veux présenter. Il y a la Horde, évidemment, la Horde qui était venue à Saint-Étienne en plus l'année dernière. On les avait fait venir par rapport à où ils ont écrit un bouquin qui s'appelait « 10 questions sur l'antifascisme ». Il y a la Horde qui est là et qui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui est vraiment la plateforme qui met à disposition énormément de contenu et qui permet à tous et à toutes de commencer à lutter contre l'extrême droite à base de stickers, à base de voilà, enfin, c'est un collectif qui existe depuis un certain nombre d'années, qui sera là. Il y aura une directrice aussi d'Amicales Laïques, parce que les Amicales Laïques aussi, c'est quand même, de par leur création, de par leur histoire, c'est aussi quand même une spécificité stéphanoise, il y en a eu ailleurs, mais c'est quand même quelque chose de très ancré, et puis c'est quand même ça, une résistance dans le quartier, en fait, tout simplement. Ça, je crois qu'on est bon là sur la table du samedi, il me semble. Ouais, voilà. Oui, on était sur le samedi, mais c'est très bien. Tu as déroulé la programmation de samedi qui va se passer essentiellement à l'Amicale Laïque du Crédroc de 14h à 1h30 avec une soirée concert également en fin de journée. Et je posais ma question d'emblée, mais du coup, on va conclure avec celle-ci. Ma première question était celle de la programmation du dimanche parce que je pensais prendre le programme à revers, mais c'est pas grave. On va terminer là-dessus et dire avec la programmation du Méliès Saint-François, donc dimanche après-midi, et que tu en présentes aussi les intervenants intervenantes. Là aussi, deux qualités que vous avez invitées pour cette autre et troisième dernière table ronde. Et alors, du coup, sur la dernière, donc effectivement, qui est au Méliès Saint-François, il y aura Pauline Pernaud, qui est une chercheuse, qui est une journaliste aussi, je crois, et qui travaille à Acrimed, qui est une sorte de laboratoire, mais de l'analyse des médias, et notamment la présence d'extrême droite dans les médias, qui a écrit un livre justement récemment sur cette question-là. Il y aura Street Press, qui est un journal indépendant. Qui travaille énormément sur la question de l'extrême droite, de débunker un peu tout ça, et puis en fait de montrer, qui fait tout un travail de recherche là-dessus. Et puis il y aura Usul et Lumi qui sont sur Blast, et qui ont l'émission un peu qui marche pas mal en ce moment, qui est Rhinocéros, où ils déconstruisent un peu ce qui se passe dans l'actualité. Et voilà. Et ça sera sur. Et il y aura aussi un membre du comité antifa de Saint-Etienne, sur un projet de film sur l'antifascisme en France et à Saint-Etienne aussi, qui interviendra. Voilà, ça se fera sur la table du dimanche au Mélier de Saint-François, du coup. Ouais, avec donc la question de l'extrême droite et des médias, avec Street Press, tu l'as dit, Usul Elumi, donc de Blast, hein, et puis Pauline Pernaud d'Acrimed, Action Critique Média, dont j'ai aussi parlé au début de ce programme. Voilà, ça se passe tout ce week-end. C'est pour les conditions pratiques. Ça, c'est au Mélier Saint-François pour le dimanche. C'est à prix libre pour l'ensemble des animations de ce week-end, enfin de la programmation de ce week-end. Tout à fait, c'est à prix libre. Il y a de la restauration sur place aussi qui sera également à prix libre. Et voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci beaucoup de ta dispo et de cet entretien via téléphone, pas toujours très confort, mais voilà, on fait au mieux. On rappelle qu'il y aura bon nombre de rendez-vous radio, puisque pas mal de captations audio vont être réalisées sur l'ensemble de ce week-end, qui vont être mises aussi à notre disposition et dont on pourra rendre compte sur l'antenne du 895 de Dio notamment. Et je pense à l'issue de ce week-end à la mensuelle de Dio, la machine à découdre. Ce sera ce dimanche à partir de 19h, à chaud, à l'issue de ce week-end, qui pourra déjà faire dans un premier temps une première restitution de ce week-end d'Antifa. Merci à toi. En te remerciant, te souhaitant une bonne fin de journée et surtout un bon grand week-end sur tous ces fronts. Merci à toi. On va terminer en musique avec, parce que c'était de circonstance et que j'ai vu ce titre tourner à nouveau ici et là et qui a fait partie de la programmation de Dio pendant de longues années. On retourne dans les années alterno avec Les Rats et Le Borgne. C'était plutôt forcément de circonstance. On écoute si l'antenne fonctionne bien. C'est parti. Les Rats, Le Borgne. Forcément, il faut recontextualiser le tout avec grande finesse, bien sûr. Pour terminer, ces mots et sons sensibles, quelques infos encore à vous faire part pour terminer véritablement ce programme. Avec précisément un peu plus ou moins dans la même veine, il va être question de racisme. Avec une conférence débat, et je l'annonce d'emblée, notez sur vos agendas quelques dates à cocher. Celle de ce vendredi 17 janvier prochain, conférence débat avec Olivier Lecourt Grandmaison, maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, enseignant au Collège international de philosophie, autour de son livre « Racisme d'État, État raciste, une brève histoire ». Olivier Lecourt Grandmaison était déjà venu dans la région pour aussi animer d'autres temps de conférences. Celle-ci se tiendra le 17 janvier prochain à 18h30 à la cale amicale du Cred Rock, 16 rue Royer à Saint-Étienne. Eddy et le comité Antifa évoquaient BDS et une de ses membres qui sera présente pour ce week-end Antifa, précisément de ce week-end et une de ses tables rondes. Eh bien, bon nombre de rendez-vous, dont ce 9 janvier aujourd'hui. C'est à l'école d'architecture de Saint-Étienne, un rue Buisson, qui est programmé, reprogrammé même, suite à, il faut le préciser, la censure du directeur de l'ESAD, l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne. C'est une conférence de Léopold Lambert qui abordera comment l'architecture agit comme arme politique au service des régimes de domination, en particulier dans le contexte de colonialisme et du peuplement en Palestine. C'est ce 9 janvier, c'est donc aujourd'hui, ce soir. Attention, si vous chopez la rediff, ne manquez pas ce rendez-vous à 18h à l'École nationale supérieure donc d'architecture de Saint-Étienne. Vous avez pour ces rendez-vous eh bien, la possibilité de détails, je dirais, sur ces rendez-vous-là, conférences et autres, publiés sur le site participatif collaboratif le numéro 0, vers lequel je vous renvoie, le numéro 0.info, où vous retrouverez justement plus de détails concernant à la fois cette conférence du jour, mais aussi par exemple ce week-end Antifa, par exemple encore cette soirée de soutien qui a lieu cette fin de semaine. Soirée de soutien aux familles sans toit, c'est ce 10 janvier à l'Amicale du Red Rock, avec bon nombre d'animations aussi prévues, de façon aussi assez festive. Comité de soutien CHAP, qui est une association qui héberge 5 familles dont des enfants sont scolarisés au sein de l'école publique des frères CHAP au Red Rock. Cette soirée de soutien a lieu donc ce vendredi 10 janvier à partir de 18h30. Et vous retrouverez encore sur le numéro 0.info, par exemple, eh bien, cette réunion mensuelle du collectif Halt au contrôle numérique, qui organise ces réunions mensuelles à l'Amicale Laïque du Crédroc toujours. C'est le deuxième jeudi du mois de 18h à 20h. Le collectif Halt au contrôle numérique qui donc a repris ses réunions publiques depuis septembre dernier. Et donc c'est l'occasion d'échanger sur les questions liées à la transformation numérique de nos sociétés et puis participer à l'organisation de prochaines actions du collectif. Donc réunion deuxième du mois, c'est ce jeudi 9 janvier à partir de 18h. On reparlera d'ailleurs du collectif Halt au contrôle numérique, puisque aura lieu prochainement, ce sera le 18 janvier prochain, mais ce sera à Villeurbanne, de 14 à 21h, des rencontres-discussions autour de numérisation et services publics, garantir l'accès aux droits et combattre les inégalités. Ce sera au Centre culturel et de la vie associative, le CCVA, situé cours Émile Zola, à Villeurbanne, avec le collectif Halt au contrôle numérique, qui est co-organisateur et co-animateur de ces rencontres-discussions avec les Quadratures du Net et Changer de Cap. On aura l'occasion, semaine prochaine, de vous rappeler ce rendez-vous et le programme notamment prévu dans ce cadre-là. Autre rendez-vous encore très rapidement pour terminer ce programme. Qu'avais-je sélectionné ? Eh bien, je crois que nous en avons terminé. On reviendra lundi sur encore un agenda plus peut-être détaillé à vous proposer et d'autres sujets. Notamment, on va terminer en culture avec le rappel déjà des inscriptions au dit tremplin des musiques actuelles de Saint-Étienne, nos talents sur scène, puisque c'est jusqu'à ce 12 janvier que vous pouvez vous inscrire, donc n'hésitez pas. Pour ce tremplin et ses inscriptions, ouvert à tous, il n'y a pas de limite d'âge. Allez sur le site saint-etienne.fr, NTSS, et n'hésitez pas à vous inscrire pour ce tremplin. Clôture ce 12 janvier. Et puis simplement terminer encore en musique, avec, et ce sera d'ailleurs notre proposition musicale de fin, avec ce rendez-vous de ce week-end, ce dimanche, Bodies in the Bass. C'est un rendez-vous proposé salle Le Fil, c'est la première date de cette année 2025 d'ailleurs, avec la Charbonnerie Production qui sévit sur cette antenne, c'est sur 895 de Dio, que vous retrouvez chaque vendredi 17h Charbonne Air. Eh bien, la Charbonnerie Production se saisit de la salle Le Fil pour proposer cette soirée et cet événement avec la compagnie de danse B21, qui unissent comme ça leur force pour cette soirée entre danse et basse musique, fête surtout et spectacle. Alors il y aura de la danse certes avec B21 et puis de la musique avec l'artiste Cyclone dont on a déjà parlé, ou Cyclone ce début de semaine que je vous ai proposé déjà en musique, et puis d'autres artistes locaux, une artiste de Valence, Madame Berthe, et puis deux projets stéphanois, RCZ et SAT ou S-S-A-T si je prononce correctement. Bref, ça se passe au fil ce samedi 11 janvier à partir de 20h. Et à noter que la Charbonnerie Production vous y invite généreusement. Vous avez une place à gagner, ça se passe au bout du fil tout de suite maintenant. Le fil, c'est le téléphone de Dio, c'est le 04 77 25 05 94 pour gagner vos places pour ce week-end. On en profite pour écouter justement un peu de base musique avec la Charbonnerie et leur son qu'ils proposent, et notamment via une de ses membres actifs, Anna Cooks, qui est présente bien sûr sur 895 aussi chaque vendredi. Petit mix musical et ambiance pour terminer ce programme. Tout bon chez vous, portez-vous bien, on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Ciao, bye.